sensible au cœur des problèmes. Je suis le reflet de l'endroit où j'ai grandi. Moi j'évoluais en marge du système. J'ai pas attendu de faire du rap pour être un bandit. Le manque d'argent, c'est obsessionnel. J'ai nous la mentalité des rues a fait des ravages. Pas CAP, ni BEP, ni BAC. Ma seule formation professionnelle, c'est Ragray. Lorsque Gino, la OEA, mettaient leur dernier but. J'étais au bois de Boulogne, cousin, je niquais mes premières putes. Lorsque les victimes devant mes potes prenaient l'air triste, j'entendais toc toc, je vivais mes premières perquises. Lorsque tu tournais sur la tête, MC dansait le boogie woogie. Sous mon lit, y'avait des lucky. Lucky? Véritable cassos, avec mes assos, on parlait d'être sur le terrain avec des talkies. Lucky? Quand tu faisais le ouf devant les fous, moi je rentrais, je cassais le délire dans les boums. Quand toi tu t'achetais un poste, moi je l'arrachais. Quand t'essayais de réussir ta vie, moi je la ratais. Je voulais être grossiste quand la mode c'était encore d'essayer de jouer des sportifs. Moi j'étais où? Dans la cage d'escalier avec du H détaillé en train de rouler un gros split. Zone sensible au cœur des problèmes, je suis le reflet de l'endroit où j'ai grandi. Moi j'évoluais en marge du système. J'ai pas attendu de faire du rap pour être un bandit. Le manque d'argent, c'est obsessionnel. J'ai nous la mentalité des rues a fait des ravages. Pas CAP, ni BEP, ni BAC. Ma seule formation professionnelle, c'est Ragray. On a toujours été attiré par les sous, nous. Quand tu portais un Levi's, j'étais en Zoulou. Aujourd'hui t'es un Zoulou et moi je porte un Levi's. Quand je serai daron, forcément j'aurai un boubou. Lors d'un contrôle, quand tu parlais avec le keuf, moi je peux taper avec lui, sur moi j'avais des barrettes de touch. Quand t'es avec ta petite amie, tu jouais à touche pipi. Demande à Hamid, Saha, je mettais des coups de zizi. Pas de coups de chichi ou de Gucci. Attitude ghetto youth, si si. Quand toi tu faisais tes devoirs pour essayer de passer la seconde, je volais mes premières caisses, j'essayais de passer la seconde. Des gens où se tuer au liqueur, j'attendais mes Yankees et je consultais mon beeper. Je fume et je rôde partout, je suis joignable H24 sur mon putain de numéro tatou. Zone sensible au cœur des problèmes, je suis le reflet de l'endroit où j'ai grandi. Moi j'évoluais en marge du système, j'ai pas attendu de faire du rap pour être un bandit. Le manque d'argent, c'est obsessionnel. J'ai nous la mentalité des rues a fait des ravages. Pas CAP, ni BEP, ni BAC. Ma seule formation professionnelle, c'est Ragray. Autant que je me souvienne, j'ai jamais rêvé d'être un gangster. Que je me souvienne, j'ai jamais rêvé d'être un gangster. Que je me souvienne, j'ai jamais rêvé d'être un gangster. Moi, j'essayais juste de m'en sortir. Que je me souvienne, j'ai jamais rêvé d'être un gangster. Que je me souvienne, j'ai jamais rêvé d'être un gangster. Que je me souvienne, j'ai jamais rêvé d'être un gangster. Moi, j'essayais juste de m'en sortir. Lorsque les MC Gusto se levaient pour le sud, moi j'étais au stupo, je me faisais lever pour stup. Lorsque tu marchais droit, ta daronne était fière de toi. La mienne chialait, ne savait plus quoi faire de moi. Lorsque tu taffais, faisais parler tes muscles pour 100 francs. J'étais chez Madame de 16, qui est la juge pour enfants. Lorsque tu parlais mal, tu prenais des coups de coude. T'étais à pied, j'étais sur Panama en Golf 3 avec Boud Boud. Lorsque tu passais ton BAC, j'étais sous le porche avec Mans en train de picra du THC. Lorsque t'essayais d'avoir ton BEP, ton BTS, j'étais surnommé gardien de la thèse du PDS. Lorsque t'écoutais Elsa, j'écoutais Alia. Lorsque t'avais de la savonnette, j'avais de la RIA.